Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose de redécouvrir une série d'émissions sur le feu, initialement diffusée en septembre 2021. Aujourd'hui, quatrième temps, Les Flammes de l'Enfer de Jérôme Bosch. Imagine l'enfer. Observe donc un effrayant chaos, lieu souterrain, puis sans fond, tout en feu. De même, imagine une ville inspirant l'horreur, immense, tout enténébrée et embrasée de flammes très obscures et terrifiantes, où tous les habitants crient, hurlent, gémissent à cause d'indescriptibles souffrances. À partir de telles images, tu pourras réfléchir. J'aime beaucoup celui-là. Tous les autres, c'est des croûtes peintes par des mauvais, mais ce tableau, il est bien. Qu'est-ce que ça représente? Ah, ça, c'est le jour du jugement. Tu sais bien. Ouais. Et ça, c'est quoi, alors? Non, ça, c'est... Tu vois, c'est le dernier jour sur Terre. Quand l'humanité sera jugée pour tous les crimes qu'elle a commis et tout. Ah. C'est là qu'on sait qui va au paradis et qui va en enfer. Ouais. C'est quoi déjà le troisième truc? Le purgatoire. Le purgatoire. Le purgatoire. C'est un genre d'endroit entre les deux. T'as pas été totalement une merde, mais t'as pas été non plus si génial que ça. Comme Tottenham. T'y crois, toi, à ces choses-là? Quoi, Tottenham? Le jugement dernier. La vie après la vie. Les regrets. Les péchés, l'enfer. Bonjour Michel Vimons. Bonjour Géraldine. Vous êtes historien de l'art, commissaire d'exposition, spécialiste de la peinture flamande et hollandaise des 17e, des 16e et 17e siècles. Vous enseignez à l'École nationale supérieure d'art à Bourges et à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors j'ai lu en ouverture, je pense que c'est quand même un texte assez étranger pour nos auditeurs et auditrices. Moi-même, je l'ai découvert seulement hier grâce à vous, Michel Vimens. J'ai donc lu un extrait du manuel de réforme intérieure. C'est un manuel qui date de 1380, écrit par Zerbold von Stufen, est-ce que je le dis ? Zutphen, pardon, qui explique comment représenter l'enfer. Alors là, très clairement, en fait, le feu est un motif incontournable pour l'enfer. Pourquoi, en fait, le feu est-il devenu le signe, qu'on pourrait croire arbitraire, de représentation de l'enfer, Michel Vimens ? Alors, le texte de Zutphen, dont vous avez lu un petit extrait, c'est un des éléments qui permet de comprendre pourquoi, à partir de la fin du XVe siècle, vers 1490, le feu est devenu un sujet nouveau, un sujet en soi, un sous-genre de peinture, à partir de Jérôme Bosch. Et pendant un siècle, les peintres flamands, notamment à Anvers, vont multiplier les peintures de paysages en flammes, qui représentent très souvent l'enfer, mais pas seulement. Et ce qui est nouveau à partir de Jérôme Bosch, c'est à la fois le réalisme avec lequel il représente les flammes et l'enfer, mais c'est aussi qu'il situe l'enfer sur terre. Et le texte de Zutphen fait partie des nombreux manuels d'un mouvement qu'on appelle la dévotion moderne, qui invitait les dévots à réfléchir sur la punition des feux de l'enfer et sur ce qui les attendait s'ils ne réformaient pas, c'est le titre de son manuel, manuel de réforme intérieure, s'ils ne réformaient pas leur âme à l'image, à la ressemblance de Dieu et du Christ. Et dans ces manuels, il y a des descriptions extrêmement précises, parfois très longues, Oui, là, j'en ai lu vraiment qu'un extrait, mais il y a même une sorte de paradoxe. D'ailleurs, c'est un paradoxe qu'on retrouve en regardant les tableaux de Jérôme Bosch, parce que c'est bien de Jérôme Bosch dont nous allons parler dans l'heure qui vient. Il y a un paradoxe à lire, en fait, à regarder tous ces supplices que subissent les humains sur Terre, et il y a une forme de plaisir à regarder la douleur. Et même, on imagine que ces peintres ont aimé peindre des supplices. C'est paradoxal parce qu'effectivement, il y a à la fois une fonction qui est celle de ces tableaux de support, de méditation, de dévotion, de réflexion sur sa propre condition, sur les tourments qui attendent le pécheur s'il ne se réforme pas. Et en même temps, c'est un peu peut-être quand on regarde ces tableaux, d'ailleurs si vous allez au Prado, hein, devant le Triomphe de la mort de Bruegel et devant le Jardin des Délices, il y a toujours un attroupement, c'est des tableaux qui continuent à nous fasciner pour des tas de raisons. Et peut-être qu'une des raisons, c'est à la fois la beauté spectaculaire de ces paysages de flammes, mais peut-être un frisson qu'on a aussi quand on va voir des films d'horreur au cinéma. Oui, alors voilà, on va parler donc de Jérôme Bosch. Vous venez d'évoquer Bruegel, donc qui est un héritier de Jérôme Bosch, ou un continuateur en tout cas de la peinture de flammes de Jérôme Bosch. Donc l'enfer est tout de suite associé au feu, aux flammes qui brûlent. L'enfer n'est pas seulement au-delà, mais il est aussi sur Terre. Et ça, c'est vraiment un style, un imaginaire dont on est aujourd'hui héritier à travers des films d'horreur, des films de zombies, parce qu'il y a aussi des thèmes de revenants. Alors, il faut quand même le dire, là, quand on parle de l'enfer chez Jérôme Bosch, on parle en fait de l'enfer qu'on a tous en tête. On parle de l'enfer qu'on a tous en tête, et à l'époque, on parlait de l'enfer dont on pensait qu'il existait réellement. Il était même, dans certains ouvrages, localisé. L'entrée de l'enfer était localisée à un endroit de la Terre. En tout cas, il est sous l'écorce terrestre. Mais pour revenir sur la filiation entre Jérôme Bosch et Peter Bruegel, Bruegel est aussi un des peintres du feu, un des peintres qui a réussi à représenter d'une manière réaliste et spectaculaire des scènes d'enfer. Mais il fait partie de ce qu'on a appelé, ce que les historiens de l'art ont appelé un Bosch Revival. C'est-à-dire que pendant tout le XVIe siècle, il y a au moins 3-4 générations de peintres qui ont renouvelé ce genre, ce sous-genre de la peinture en feu. Alors juste pour vous donner une idée de l'importance de cette peinture, parce qu'on n'a pas idée en fait des centaines et des centaines de tableaux qui représentent uniquement des paysages en flammes, mais il y a un inventaire qui a été fait en 1535 de la collection du duc Frédéric de Gonzague de Mantoue, qui avait acheté à cette époque-là un ensemble de 120 peintures flamandes, hein, donc il a acheté une collection entière, et le texte précise que dans cet ensemble, 20 tableaux ne représentent autre chose que des paysages enflammés qui semblent brûler les doigts si on les approche. Hein, c'est très beau, qui semblent brûler les doigts si on les approche. On ne peut pas mieux exprimer la fascination des spectateurs devant ces tableaux qui semblent littéralement brûler sous nos yeux. On peut se poser la question, effectivement, de qu'est-ce qui plaît dans cette représentation. Alors, il y a évidemment une vertu, on imagine, un petit peu morale, théologique, prévenir, susciter dans l'œil du spectateur une forme de mobilisation morale face au péché, face à la tentation, pour se prémunir de l'enfer. Mais il y a aussi, on se demande, un défi esthétique, artistique, pour le peintre, peindre le feu, et puis un défi aussi pour le spectateur, quelque chose de cathartique, quelque chose même à la fois de jouissif et entêtant à regarder ces flammes dans les paysages. Alors, il y a beaucoup de questions et beaucoup d'éléments de réponse, mais tout d'abord, la nouveauté des tableaux de flammes de Jérôme Bosch. Il faut savoir que le feu est très présent dans la peinture de Jérôme Bosch, c'est tout à fait nouveau. Un des premiers commentateurs de la peinture de Bosch, le secrétaire de l'empereur Philippe II d'Espagne, résumait cela en disant que dans tous les tableaux de Jérôme Bosch, il y a du feu et une chouette. Et il ajoute que c'est probablement pour nous amener à réfléchir sur les tourments qui nous attendent en enfer, mais aussi pour nous aider à mieux accomplir nos œuvres. Accomplir nos œuvres, hein, dans la pensée chrétienne, ça signifie les œuvres de miséricorde. Donc, se repentir, reconnaître sa condition de pécheur destiné au tourment de l'enfer, si l'on ne réforme pas donc son âme intérieure et si l'on ne trouve pas le chemin de la vertu. Tant que nous vivons ici-bas, nous ne pouvons être exempts de tribulations et d'épreuves. C'est pourquoi il est écrit au livre de Job, « La tentation est la vie de l'homme sur la terre ». Chacun devrait donc être toujours en garde contre les tentations qui l'assiègent et veiller et prier pour ne point laisser lieu aux surprises du démon qui ne dort jamais et qui tourne de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le dévorer. Il n'est point d'homme si parfait et si saint qui n'ait quelquefois des tentations, et nous ne pouvons en être entièrement affranchis. Mais quoique importunes et pénibles, elles ne laissent pas d'être souvent très utiles à l'homme, parce qu'elles l'humilient, le purifient et l'instruisent. Tous les saints ont passé par beaucoup de tentations et de souffrances, et c'est par cette voie qu'ils ont avancé. Mais ceux qui n'ont pu soutenir ces épreuves, Dieu les a réprouvés, et ils ont défailli dans la route du salut. Il n'y a point d'ordre si saint, ni de lieu si secret, où l'on ne trouve des peines et des tentations. L'homme, tant qu'il vit, n'est jamais entièrement à l'abri des tentations, car nous emportons le germe en nous à cause de la concupiscence dans laquelle nous sommes nés. Le feu éprouve le fer et la tentation, l'homme juste. Nous ne savons souvent ce que nous pouvons, mais la tentation montre ce que nous sommes. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Géraldine Mosna-Savoy. Je ne sais pas si vous connaissez Thomas A. Kempis, est-ce que je le prononce bien cette fois-ci? Très bien. Alors c'est un moine néerlandais du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle. Il a écrit, là on a entendu cet extrait interprété par Hélène Losseur, L'imitation de Jésus-Christ, c'est le chapitre 13 de la résistance aux tentations. Et là on a entendu cette phrase à la fin, très intéressante, le feu éprouve le fer et la tentation l'homme juste, nous ne savons souvent ce que nous pouvons, mais la tentation montre ce que nous sommes. On est tenté de se demander, Michel Vimand, si ça n'est pas là, en fait, non pas le but, mais du moins une des dimensions à prendre en compte quand on regarde un tableau de Jérôme Bosch, et notamment ce tableau incroyable qui s'appelle Le Jardin des Délices, où est représenté, c'est le panneau de droite, et on va s'arrêter plutôt là-dessus, sur l'enfer. Est-ce que finalement, le tableau est là pour montrer la tentation, et cette tentation montrée nous permet de découvrir ce que nous sommes? Alors, si on voulait parler du Jardin des Délices, il faudrait prévoir une semaine d'émission. Donc, on va essayer de se concentrer sur quelques éléments du panneau de l'enfer. Mais peut-être essayer de comprendre comment ce panneau de l'enfer résonne avec le reste du tableau. Mais peut-être juste un ou deux mots sur le contexte. Oui. Parce que vous avez cité le texte de Thomas A. Kempis, qui était vraiment un best-seller de cette époque. Mais on sait que Jérôme Bosch a collaboré notamment pour peindre le Jardin des Délices avec un théologien humaniste qui s'appelait Joris van Harlewijn. En tout cas, contrairement à l'opinion qui a souvent été proposée par des chercheurs qui voyaient dans Jérôme Bosch un peintre de l'imagination débridée, voire un peintre associé à des sectes hérétiques, depuis maintenant assez longtemps, les spécialistes de Jérôme Bosch ont étudié ce peintre sous l'angle vraiment d'une pensée chrétienne, catholique, tout à fait orthodoxe. Et même, c'est un peintre qui est ce que moi j'appelle un exégète. Ces tableaux sont véritablement des exégèses visuelles. Et s'il a travaillé avec un théologien humaniste, il était lui-même un peintre d'une grande érudition et véritablement un interprète des récits bibliques qu'il mettait en scène. C'est le cas donc de ce tableau qui représente plusieurs scènes. Donc il y a trois tableaux. Voilà. Allez-y, décrivez-nous le Jardin des Délices, pas facile. Alors, décrire le Jardin des Délices, c'est d'abord savoir que quand il était exposé dans le palais de son commanditaire, Engelbrecht de Nassau, on sait depuis assez peu que le tableau a été commandité par ce personnage qui était un des hommes les plus puissants des Pays-Bas de cette époque, un proche de Philippe le Beau, donc qui était le duc de Bourgogne qui gouvernait les Pays-Bas à cette époque. Donc le tableau a été commandité par Engelbrecht de Nassau, il se trouvait dans son palais à Bruxelles, mais la plupart du temps les visiteurs ne voyaient qu'un tableau monochrome peint en grisaille qui représente, sur les volets extérieurs, puisque c'est un triptyque, la création du monde par Dieu le Père. Donc c'est une sorte de paysage, c'est, on pourrait dire, le premier paysage monde, puisque littéralement, c'est la représentation symbolique du monde sous la forme d'un cercle, d'un disque, avec la création de la végétation, des montagnes. Et ce cercle est enfermé lui-même dans un globe de cristal et contemplé depuis les hauteurs d'un ciel totalement sombre par Dieu le Père qui prononce deux phrases, deux extraits tirés des psaumes. Il dit et cela fut, il commanda et cela fut créé. Donc ces deux extraits qui ont été interprétés par toute la tradition exégétique depuis saint Augustin comme l'idée de la création du monde selon les principes de l'ordre, de l'harmonie et de la mesure. Mais si on regarde attentivement, on voit qu'effectivement, c'est le moment de la création de la lumière et la séparation de la nuit et de la lumière. Mais Bosch représente ça sous la forme d'un orage. Et si on regarde encore attentivement ce qui se passe sur ce paysage monde, on est intrigué par toutes les montagnes qui forment la bordure de ce cercle et qui ne répondent pas du tout à l'idée d'ordre, de mesure et d'harmonie, mais au contraire, ce sont des, on pourrait dire, des créatures à la fois végétales, minérales, parfois même anthropomorphes ou tératomorphes, de formes monstrueuses. Chimériques. Fantastiques. Qui sont en train d'encercler le monde. Autrement dit, ce que montre Bosch dans cette scène d'introduction au Jardin des Délices, c'est que dès l'origine de la création, il y a une contamination par une puissance maléfique. Une idée de corruption. Une idée de corruption. Qui est là dès la Genèse. Exactement. Du monde. Le livre de la nature créé par Dieu, dès l'origine, est corrompu. Et c'est quelque chose que l'on retrouve à l'intérieur du triptyque. On peut imaginer que... Donc le triptyque qui est extrêmement connu, notamment le panneau central, qui regorge de détails, de représentations. Donc il y a des actes sexuels, il y a des animaux, vous l'avez dit, chimériques, réels. C'est vraiment une œuvre incroyable qui est très colorée, avec des corps blancs et nus. Tout le monde est mélangé, les animaux, les êtres humains. À gauche, on a le paradis. À gauche, le panneau central, et à droite, on a donc l'enfer. Et là, c'est à peu près en fait le même paysage, sauf que là, la lumière a complètement disparu, et c'est là où apparaissent les flammes. Où est-ce qu'on voit les flammes, Michel Vimont, sur ce tableau ? Les flammes apparaissent à l'horizon, et c'est intéressant d'ailleurs parce que vous l'avez bien dit, c'est le même paysage. Du paradis au panneau central jusqu'à l'enfer, on est dans un même paysage. Mais le feu, les flammes, le paysage en flammes, il est véritablement dans la partie supérieure de l'enfer. C'est le volet droit. Il est composé lui-même de trois parties, dont cette partie supérieure qui représente une sorte de transition entre le panneau central et le panneau de l'enfer, où l'on voit des explosions. C'est une des représentations du feu les plus magistrales chez Jérôme Bosch, avec des éclats de blanc verdâtre sur le fond noir, des explosions rouges, jaunes, oranges, et tout cela donc rendu extrêmement mouvant par la technique picturale de Jérôme Bosch, qui utilise la peinture à l'huile sur un panneau de bois, donc par des effets de transparence, de glacis. Ce qu'il réussit à rendre, ce qui est tout à fait nouveau, c'est un feu en mouvement. C'est vraiment l'impression de voir des flammes, mais aussi des flammes qui éclairent tout ce qui est aux alentours et qui créent des contrastes dynamiques entre l'ombre et la lumière. Et donc ce paysage en flammes, ce n'est pas l'enfer souterrain, c'est l'enfer sur terre. Et ce que l'on voit, ce sont des villages, comme des villages flamands qui existaient à l'époque, en train de brûler, et des personnages qui s'enfuient. On devine leur silhouette sombre sur le fond de ces lumières dramatiques, et qui sont rattrapés de tous les côtés par des oiseaux monstrueux, par toutes sortes de monstres, mais notamment des oiseaux monstrueux. Les mêmes oiseaux que l'on voyait dans le panneau central, qui nourrissaient de fruits géants les hommes et les femmes nues, dans ce jardin en apparence paradisiaque, révèlent leur vraie nature dans cet enfer en flammes, qui est le début, qui est, on peut dire, l'entrée et presque le sas de communication entre le reste du tableau et ce panneau de l'enfer. Alors vous l'avez dit, Michel Vimens, il y a ce défi que relève Jérôme Bosch de représenter le feu, les flammes, la mobilité des flammes. Et c'est vrai que quand on regarde le feu dans ce panneau droit d'enfer, peint par Jérôme Bosch, on a vraiment l'impression que les flammes ont quelque chose de silhouette monstrueuse, qu'elles agissent comme des illusions, des trompe-l'œil, mais qu'on regarde quand même, sont vraiment le lieu de la métamorphose, peut-être de la corruption, mais a priori de la corruption vu qu'on est dans l'enfer, mais après tout, autre chose, c'est-à-dire que c'est vraiment la représentation du changement, de ce qui est mobile, de ce qui se meut, de la métamorphose. C'est très important parce qu'effectivement, les flammes de l'enfer sont les flammes de la punition, de la torture, dans lesquelles les damnés donc, sont tourmentés pendant l'éternité. Mais c'est un aspect proprement visuel que vous mentionnez qui, pour moi, est très important parce que peut-être qu'il faudrait revenir sur un des aspects du feu qui a été évoqué tout au long de cette semaine. Sans cesse, les invités qui ont parlé ici ont mentionné la dichotomie fondamentale, l'antithèse entre le feu de la chandelle, qui est un feu intimiste, domestique, ou bien le feu qui consume, mais aussi entre les valeurs positives du feu et les valeurs négatives. Et ça, c'est présent aussi chez Jérôme Bosch. On a d'un côté les flammes de l'enfer, mais la possibilité à travers les flammes d'une rédemption. Ça, on pourra en parler parce qu'on va en parler notamment à travers un autre tableau qui s'appelle La Tentation de Saint-Antoine. Mais restons encore un petit peu sur le jardin des délices. Et justement, demandons-nous, est-ce que la lecture de ce feu infernal n'est pas une lecture aussi trop littérale? C'est-à-dire, est-ce que déjà dans ce tableau, est-ce que Bosch n'annonce pas aussi une sorte de métamorphose du feu lui-même? Alors, il y a une dimension métamorphique du feu qu'on peut comprendre, encore une fois, si on oppose le feu positif qui est du côté de la lumière. Il y a, à peu près à la même époque, des recueils gravés qui sont publiés en Flandre et qui associent la flamme de la chandelle à la fonction illuminatrice du Christ. On voit sur des gravures sur bois une chandelle qui a la même taille que le Christ, pour bien signifier cette analogie et cette métaphore de la fonction illuminatrice du feu. Mais il y a aussi une autre valeur, donc une valeur plutôt négative, qui est le feu de l'enfer, la flamme de l'enfer, qui est associée aux troubles, aux apparences trompeuses, aux hallucinations. C'est très présent. En fait, le feu nous éblouit. Le feu nous éblouit, mais le feu, c'est aussi l'élément diabolique, de l'aveuglement, des apparences trompeuses. C'est pour ça, et c'est pas du tout un détail anodin, que l'une des choses les plus frappantes dans les tableaux de Jérôme Bosch, et notamment dans le panneau de l'enfer du Jardin des Délices, les montagnes qui se découpent à l'horizon, sur fond de flammes, se transforment en gueules monstrueuses, en bouches de l'enfer qui crachent des flammes. Et ce n'est pas un hasard si l'enfer du Jardin des Délices est traité dans des tons de gris, des tons froids, qui font directement écho au panneau extérieur, qui représente la création du monde, et ce monde au bord duquel on découvre la présence de ces montagnes tératomorphes, qui annoncent cette corruption originaire du monde dès le moment de la création. Autrement dit, ces montagnes, on les retrouve dans les panneaux intérieurs, à l'horizon. Il y a, à l'horizon du paradis, une montagne qui crache des nuées d'hirondelles. Et si, par analogie, on fait le lien avec ce qui se passe dans l'enfer sur le panneau droit, on comprend que ce que l'on voit dans l'enfer, c'est, en termes d'exégèse biblique, l'accomplissement de ce qui était déjà présent, préfiguré, dès l'origine du monde. Je pense que le peintre Jérôme Bosch s'est contenté d'aligner des notes. Ça ne sonne pas comme un très bon chant grégorien. Je crois qu'il a juste fait genre. Mais si ce morceau s'avérait représentatif d'autres musiques, cela vaudrait vraiment la peine de creuser pour voir s'il ressemble à une œuvre existante qui serait parvenue jusqu'à nous. On vient d'entendre Michel Vimens un extrait du reportage Jérôme Bosch, Le Diable aux ailes d'ange. C'était diffusé sur TV5 Monde le 5 mai 2021. Alors, vous l'avez dit, Michel Vimens, ce panneau droit, comme les autres panneaux d'ailleurs du Jardin des Délices de Jérôme Bosch, est divisé en trois pans horizontaux. Et donc, le pan supérieur représente bien les flammes de l'enfer, le village enflammé. Le tiers central représente les tortures physiques. Alors là, en fait, on voit d'ailleurs un lac gelé. Il y a quelque chose de paradoxal quand même, avoir tout à coup ce froid quand même qui vient vous geler. On peut dire d'ailleurs que les flammes de l'enfer brûlent et glacent en même temps. Et donc, dans ce tiers inférieur, on a tous les instruments de musique, et on a entendu quand même, il y a quand même cette personne qui est allongée, on voit ses fesses, on peut les appeler les fesses musicales de Jérôme Bosch, puisque sur ses fesses, il y a une partition de musique, et on a entendu des musiciens interpréter, là, dans le documentaire, ces notes qui sont inscrites sur les fesses, donc de cet être humain coupé en deux. Et il faut quand même se poser la question de non seulement, effectivement, des effets de lumière, du feu, de l'enfer, mais aussi la musique jouée par cet enfer et ces flammes qui dansent. Michel Vimens. Alors, j'ai entendu parler, je crois, de cette chercheuse aux États-Unis qui a réinterprété les fameuses notes de musique qui sont inscrites sur les fesses d'un des damnés en bas, qui est entouré d'instruments géants qui sont utilisés. Ils sont d'ailleurs mélangés, mixés. Il y a moitié une harpe, moitié un violoncelle. Il y a une harpe, il y a un violoncelle, il y a une viole, il y a une flûte, une trompette. Mais je ne suis pas tout à fait convaincu par cette interprétation. Donc, faire rejouer aujourd'hui, en transposant dans une notation moderne, réinterpréter une musique qui est assez harmonieuse, parce que j'ai écouté le résultat. Je crois que ce qui se passe dans le tableau, c'est tout à fait autre chose. On peut imaginer d'ailleurs que cette musique qui est jouée par les diables, par les monstres, elle n'est pas jouée d'une manière harmonieuse. Au contraire, l'idée, c'est que tout ce qui se passe dans l'enfer est de l'ordre du dérèglement, du renversement. Le dérèglement qui est déjà présent dans le panneau du paradis, dans le panneau central, il est accompli, il trouve son acmé dans l'enfer. Et donc, tout est à regarder, à comprendre, à interpréter sous l'angle du renversement, du parodique, et en particulier les instruments de musique, les anges musiciens. C'est une figure que tout le monde connaît, qui est associée donc à l'harmonie, à la beauté paradisiaque. Ce que l'on voit à l'avant-plan du panneau de l'enfer de Jérôme Bosch, c'est Lucifer sur son trône, entouré de sa cour et de ses démons musiciens. Mais il faut imaginer que dans les crépitements des flammes et les cris des tortures, ce qui est produit, ce n'est pas la musique réinterprétée aujourd'hui comme une musique harmonieuse médiévale, c'est une cacophonie assourdissante, c'est un renversement parodique de l'idée de la cour céleste et de la musique céleste du paradis. Ici, la musique est au service des démons, du diable, et ce sont des instruments de souffrance. D'ailleurs, il y a un des éléments les plus frappants, hein, c'est cette harpe sur laquelle un homme est crucifié. Oui. Là aussi, il faut voir cette mise en scène de la crucifixion sous l'angle du renversement, de la parodie, donc du sacrifice du Christ. Je vous propose, Michel Vimens, de passer à un autre tableau et pour cela, en fait, de faire un petit détour par un texte et par un film, je pense, que tout le monde connaît. « Voici que la fièvre carte se déchaîne avec violence dans mes membres frêles et que ma tête a été vidée de toutes ses forces. Et au moment où le froid cesse d'attaquer mon corps qu'il fait trembler, une chaleur égale au feu de l'Etna fond sur lui. La violence du mal, par ailleurs, porte ses coups jusqu'au fond de mes moelles et ma peau flasque pend sur mes os ébranlés. Si j'essaie de faire tenir sur mes pieds mon corps bien peu solide, mes jambes affaiblies chancellent sous ce poids léger, si j'entreprends de mes mains quelques tâches habituelles, mes bras peuvent à peine soutenir mes mains. Ma tête repose tantôt sur une épaule, tantôt sur l'autre. Aucune boisson ne me plaît, aucune nourriture. Yes, I'm Dr. Klein. This is Dr. Taylor. Sharon, things have gotten worse since I found you. I think you better go upstairs. Elle a encore eu des spasmes. Oh oui, mais bien plus violent. Vous lui donnez ces médicaments? Oui. Qu'est-ce qu'elle prend? Thorazine. Avant, elle prenait du Ritalin. Chris, les médecins. Non, non, Madame McNeil, c'est le docteur Tanis. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça brûle! Ça brûle! S'il vous plaît, docteur, aidez-moi. Absolument, lui. Oh, va-t'en ! La truie est à moi. Baise-moi ! Baise-moi ! Quoi ? Oh. Baise-moi ! Oh. Ah. Vite, ma mallette ! Vous écoutez France Culture, vous écoutez bien les cris de l'enfer, les cris du film L'Exorciste de William Friedkin de 1974, qui ne sont pas sans rappeler la fièvre décrite par le poète Ulrich von Hutten. Donc c'est dans un poème qu'il a écrit en 1510 qu'on vient d'entendre interpréter par Hélène Losser. Dans les deux cas, on a cette idée quand même que le Moyen-Âge, le déclin du Moyen-Âge qu'on est en train de décrire, fait d'épidémie, passe par ce déchirement du corps qui passe par des brûlures qu'on retrouve. Et c'est exactement ce qu'on a dans les tableaux de Jérôme Bosch, notamment dans ce tableau, La Tentation de Saint-Antoine, où les corps sont déchirés, où le corps est mis à rude épreuve, tenté et peut-être brûlé de l'intérieur. Michel Vimons. Alors pourquoi est-ce que le sujet de la Tentation de Saint-Antoine a été aussi populaire pendant tout le XVIe siècle, et notamment donc à partir de Jérôme Bosch? Mais pas seulement la Tentation de Saint-Antoine, mais la présence de Saint-Antoine au milieu d'un paysage en flammes. C'est encore une fois une nouveauté de Jérôme Bosch. Et d'ailleurs, si on regarde attentivement ce tableau, on voit que le traitement du feu est totalement nouveau, différent de celui qu'on a dans le jardin des délices, puisque c'est un feu qui apparaît sur un fond de ciel lumineux à droite, qui s'oppose à cette lumière à droite. C'est un feu beaucoup plus coloré. Il y a une scène au milieu qui a beaucoup inspiré les peintres, les suiveurs de Bosch. C'est cette forêt qui est illuminée par l'incendie, mais qui se transforme en une sorte de forêt spectrale. Tout est blanc, les arbres sont blancs, les petites silhouettes sont comme des fantômes. Et à l'avant, au contraire, le feu projette des lumières rouges qui se reflètent sur la rivière et qui rend toute cette partie du paysage rougeoyant. Donc encore une fois, c'est un tableau d'une inventivité technique picturale extrêmement impressionnante. Et à l'avant-plan, donc, Bosch représente Saint-Antoine. Pourquoi Saint-Antoine a-t-il été associé au feu? Je pense que c'est un événement que tout le monde connaît. Hein. C'est l'importance... Vous pouvez le rappeler, on n'est jamais sûr. Oui, l'importance des épidémies, de pas seulement une, mais deux maladies. Hein. L'ergotisme, qui est appelé le feu de Saint-Antoine, qui est une maladie qui a été extrêmement virulente à plusieurs périodes, mais notamment au XVIe siècle, qui est produite par un champignon parasite qui contamine le seigle. Et les deux particularités de cette maladie, c'est qu'elle produit des hallucinations. Les, le passage de Ulrich von Hutten, hein, c'est mm-hmm. un humaniste qui est un proche de, d'Erasme, mais aussi de Luther, qui a participé à la réforme. Il a été contaminé par la syphilis, il en est mort. Et il décrit, mais il y a d'autres descriptions, les effets de l'ergotisme. Donc, un des effets, c'est de produire des hallucinations. Les descriptions que donne l'inventeur du LSD hein, sont tout à fait proches des descriptions qu'on trouve dans les textes des auteurs du XVIe siècle. Ils décrivent les effets de l'ergotisme. Et l'autre effet de l'ergotisme, c'est une sensation de brûlure, comme celle dont parle oui. le personnage dans l'exorcisme. L'impression de brûler de l'intérieur. Et Ulrich von Hutten décrit très bien donc, les pustules qui couvrent le corps, qui donnent l'impression que la peau brûle, mais aussi que le corps brûle de l'intérieur. Et l'un des effets les plus spectaculaires de l'ergotisme qui est présent dans le tableau de Jérôme Bosch, c'est de produire la gangrène des membres qui pourrissent et qu'il faut amputer, qui se détachent. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit depuis le début de cette émission, Michel Vimans, que Jérôme Bosch innovait d'un point de vue esthétique, artistique, mais aussi du point de vue peut-être du thème. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment dissocier les deux aussi franchement, mais en tout cas du thème en disant que l'enfer n'était pas au-delà, mais était sur Terre. Et là, avec la tentation de Saint-Antoine et la description en fait de ce siècle d'épidémie que vous venez de faire, l'ergotisme, la syphilis, pour aussi parler des massacres, des révoltes politiques, on a l'impression en fait que l'enfer n'est pas seulement sur Terre, il est en nous. Exactement, il est en nous, et on pourrait dire que ces paysages en flammes qui mettent en scène Saint-Antoine tourmenté par ses démons, ils représentent pas seulement un paysage extérieur, mais un paysage intérieur. Hein, c'est les tourments du saint qui lutte pour trouver le chemin du salut et de la rédemption, qui lutte dans un monde en flammes, et les flammes extérieures matérialisent les souffrances, les tourments intérieurs du saint. Mais c'est au prix de ces tourments que les personnages des ermites trouveront la rédemption. Ils se proposent aux lecteurs dévots d'Emmanuel qui raconte la vie de Saint-Antoine ou aux spectateurs des tableaux de Jérôme Bosch, qui se proposent donc comme des supports de méditation et de dévotion. Il y a un détail qui est très intriguant à l'avant-plan hein, du tableau de Saint-Antoine. Vous voyez, il y a un personnage avec un chapeau haute forme, on dirait presque James Ensor qui s'est invité là. Oui, il est caché derrière une sorte de parapet. Oui, c'est ça. Et il est en train de contempler, sur un mouchoir bien propre posé au sol, un pied gangréné, donc c'est littéralement donc, le résultat de l'ergotisme. Et juste devant lui, il y a un mendiant avec les jambes amputées qui s'approche donc de Saint-Antoine. Mmh. Et ce qui est très, encore une fois, très paradoxal et très complexe hein, chez Jérôme Bosch et dans ce tableau en particulier, c'est qu'on a les deux feux. On a le feu rédempteur et le feu destructeur. Parce qu'il faut dire, alors il y a deux choses à dire, donc Saint-Antoine est quand même au centre du tableau, ça vous l'avez dit Michel Vimans, il a une position qui est très intéressante parce qu'en fait son corps n'est pas tourné vers le spectateur, on voit ses fesses en fait, hein. Mais il est habillé, et sa tête en revanche est tournée vers le spectateur. Donc on a vraiment l'impression que Saint-Antoine nous regarde, qu'il est pris entre deux directions différentes, à la fois à regarder le spectateur et à regarder, ce qui est effectivement un autre élément très intéressant de ce tableau, qui est une chandelle, qui est logée au cœur du tableau et au cœur de l'obscurité, qui est presque à peine visible. Alors là, c'est vraiment tout le paradoxe de la lumière, d'essayer de représenter la lumière, c'est une pointe de lumière, mais c'est moins qu'une chandelle. Et donc, on a le paradoxe de cette lumière qui est vraiment un tout petit feu, qui éclaire tout, mais qui est à peine visible. Cette lumière est à peine visible. Cette lumière est à peine visible, mais pourtant, et souvent chez Jérôme Bosch, Dieu ou le diable se cache dans les détails, elle a un sens majeur, hein, ce détail mineur, parce que, vous l'avez dit, il est tourné vers cette tour à l'intérieur de laquelle se trouve cette chandelle. Et en même temps, il nous regarde tout en désignant d'un geste qui ressemble à un geste de bénédiction ce qui se passe à l'intérieur de cette tour en ruine. Et ce qui se passe, c'est que à côté de cette chandelle, on trouve à la fois le crucifix qui est l'ancre de salut vers lequel se concentrent intensément les ermites, tourmentés par les démons. Et à côté du crucifix, redoublant le geste de bénédiction de saint Antoine, la présence miraculeuse du Christ comme une apparition, comme s'il existait en réalité, comme si il était là en train de vivre face à saint Antoine. Mais tout cela donc dans cette petite scène cachée au milieu de ce tourment de flammes et de démons qui sont en train donc de tourmenter le saint et de mettre en scène une sorte de parodie satanique du rite de l'Eucharistie. Donc finalement, ce qui était paradoxal dans le Jardin des Délices, c'est qu'on avait peut-être une vision un peu littérale du feu, de l'enfer, mais qui était quand même... Enfin, quand on dit littéral, c'est-à-dire que pour l'époque, c'était déjà extrêmement nouveau de représenter la lumière de cette manière, les flammes de cette manière et les flammes de l'enfer de cette manière. Mais là, ce qui est paradoxal dans la tentation de saint Antoine, c'est que au contraire, la lumière est presque la lumière, le feu comme rédemption et non plus comme destruction est presque invisible. Et c'est ça. Peut-être on se met à la place du spectateur qui essaye de déceler en fait dans ce tableau plus qu'une vision de désastre et qui est quand même condamné à peut-être buter sur un détail, à ne pas l'apercevoir, Michel Vimons. Oui, et encore une fois, ce qui me semble important, c'est que Bosch, Bruegel après lui et tous les suiveurs de Bosch qui ont représenté des paysages en flammes, très souvent mettent en scène cette dichotomie entre le feu, la flamme illuminatrice du Christ et le feu destructeur de l'enfer, mais encore une fois, le feu associé aux apparences trompeuses, le feu qui trouble. Et la plupart des peintres ont parfaitement compris cette tension qui est présente dans pratiquement tous les tableaux de Jérôme Bosch quand il représente du feu et le réinterprète d'une manière parfois très inventive. Bruegel a littéralement réinterpréter cette opposition entre la chandelle et le feu destructeur de l'enfer dans un autre tableau. On va écouter non pas Bruegel, mais Antonin Artaud parler de Bruegel, de Bosch et de Bruegel, et notamment de son tableau Margot la folle. N'importe quelle mise en scène muette devrait, avec son mouvement, ses personnages multiples, ses éclairages, ses décors, rivaliser avec ce qu'il y a de plus profond dans des peintures comme la Tentation de saint Antoine de Jérôme Bosch et l'inquiétante et mystérieuse Dule Grit de Bruegel le Vieux, où une lueur torrentielle et rouge, bien que localisée dans certaines parties de la toile, semble sourdre de tous les côtés, et par je ne sais quel procédé technique, bloquer à un mètre de la toile l'œil médusé du spectateur. Et de toutes parts, le théâtre y grouille. Une agitation de vie arrêtée par un cerne de lumière blanche vient tout à coup buter sur des bas-fonds innommés. Un bruit livide et grinçant s'élève de cette bacchanale de larves où des meurtrissures de peau humaine ne rendent jamais la même couleur. La vraie vie est mouvante et blanche. La vie cachée est livide et fixe. Elle possède toutes les attitudes possibles d'une innombrable immobilité. C'est du théâtre muet, mais qui parle beaucoup plus que s'il avait reçu un langage pour s'exprimer. Toutes ces peintures sont à double sens, et en dehors de leur côté purement pictural, elles comportent un enseignement et révèlent des aspects mystérieux ou terribles de la nature et de l'esprit. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'était un extrait du théâtre et son double, le texte d'Antonin Artaud qu'on vient d'entendre interprété par Hélène Losseur. Ce texte date de 1938. Artaud y décrit la tentation de saint Antoine de Bosch, mais aussi le tableau de Bruegel, d'où le Griette, donc Margot la folle. On peut voir dans Peter Bruegel, le vieux, donc dont vous êtes spécialiste, Michel Vimens, un continuateur en fait de cette peinture de flammes, et notamment à travers ce tableau. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce tableau, Michel Vimens, donc Margot la folle? Alors cette question, elle me fait toujours peur parce que décrire rapidement un tableau aussi complexe, c'est impossible et c'est volontairement complexe. Les tableaux de Bruegel nous proposent une profusion de détails. Il y a véritablement une abondance de traits, de scènes qu'on a du mal à identifier, mais ça fait partie véritablement, c'est un procédé, il y a une indétermination de la peinture, mais c'est une indétermination qui est parfaitement déterminée. C'est une profusion, une complexité, une difficulté visuelle qui est calculée pour à la fois troubler notre regard, mais aussi nous forcer à regarder, nous amener à interpréter et à regarder de manière plus précise, à exercer notre discernement face à ces tableaux. Vous voyez, le paradoxe qui est présent déjà chez Jérôme Bosch, c'est toujours cette tension entre aveuglement et discernement, apparence trompeuse et vérité cachée. Et c'est ce qui est d'une certaine manière mis en scène dans ce tableau. Et la phrase, allez-y. Les phrases d'Artaud sont absolument sublimes. Oui, sur le théâtre, il grouille, c'est du théâtre muet, l'œil médusé du spectateur. La vraie vie est mouvante et blanche, la vie cachée est livide et fixe. Et quand on regarde ce tableau, alors il faut le dire, on a au premier plan, donc on imagine que c'est Margot. Voilà, c'est ce personnage qui est un personnage qu'on trouve dans la littérature. On a même pensé que ça pourrait être une allusion satirique à Marguerite qui dirigeait donc les Pays-Bas à cette époque, et donc la régente Marguerite, donc qu'on surnommait Grit. Mais en tout cas, c'est un personnage de la littérature qui représente une mégère, qui est donc cette personnification à l'avant-plan de la folie, mais d'un certain type de folie, de la fureur, de la folie guerrière, et elle mène le combat face à des armées. On ne sait pas si ce sont des hommes parce qu'ils sont cachés par leur cuirasse ou des démons, c'est un mélange en tout cas. Donc Margot Lafolle emmène une armée de femmes. Elle emmène une armée de femmes. On y a vu une sorte d'anti-féminisme du XVIe siècle, la femme qui ne correspond pas donc aux normes, qui ne reste pas à sa place et qui ici donc est représentée comme une femme guerrière qui a l'audace d'aller s'attaquer à l'enfer, puisqu'elle s'avance vers le motif le plus frappant de ce tableau, c'est la bouche de l'enfer. La bouche de l'enfer, ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, d'ailleurs, la bouche de l'enfer, on ne la voit pas tout de suite. Elle est presque cachée derrière des arbres, derrière une profusion de détails. Et tout à coup, quand on la voit, en fait, c'est comme, je ne sais pas comment on appelle ces tableaux, vous voyez, où on doit fixer un tableau. Et c'est en le fixant plusieurs minutes qu'on voit apparaître des formes qui ne sont pas visibles tout de suite. Et ben, c'est exactement ce qui se produit quand on regarde ce tableau Margot Lafolle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus ne pas voir en fait cette bouche de l'enfer, qui a un visage d'ailleurs un petit peu bambin, des jolis petits yeux, un joli petit nez, et puis cette bouche qui avale des êtres humains et vers laquelle se précipite Margot. Joli, bambin, peut-être de loin, mais de près, elle est absolument monstrueuse. Mais ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Ça a été même décrit par des auteurs qu'on appelle les gestaltistes, ce phénomène de identifier une figure dans une abondance, dans un amoncellement de traits indistincts. Il y a une description précise de ce phénomène, comment on parvient à créer des unités identifiables dans un chaos. C'est un petit peu ce qui se passe ici. Alors, l'exemple que vous donnez, c'est le plus, pour moi, le plus visible, le plus explicite. La bouche de l'enfer, c'est une image double. Antonin Artaud dit que tout est double. Je retiens deux ou trois mots dans sa description du Le Grit, mais il parle de double sens. En tout cas, il retient cette idée d'un grouillement et de quelque chose qui est double. Tout est double dans le tableau, dans le paysage en flammes du Le Grit, à commencer donc par cette tour anthropomorphe qui représente la bouche de l'enfer. Mais si vous regardez attentivement, elle est très particulière parce que elle est coiffée d'une sorte de chapeau de bâtiment qui lui-même a des petits yeux qui nous observent depuis l'ombre derrière le feuillage et se termine par une sorte de pointe qui... De lanterne peut-être ? Qui soutient une cage dans laquelle sont emprisonnés des personnages nus. Mmh. Et l'œil de cette bouche de l'enfer, c'est lui-même un piège à oiseaux. Les sourcils sont eux-mêmes des pièges. En réalité, les pièges sont présents partout. Il y a des représentations de pièges, mais il y a aussi ce que j'appelle des pièges visuels, des images pièges, à commencer par cette tour infernale donc, qui représente la bouche de l'enfer, mais qui elle-même est entourée de différents anthropomorphes, bâtiments anthropomorphes qui sont ce que l'on peut appeler des images potentielles de la bouche de l'enfer. Et à droite, par exemple, vous voyez ce bâtiment qui encadre de l'autre côté le paysage. Il représente une fenêtre à travers laquelle on voit des singes qui nous regardent. Et son entrée évoque aussi la bouche de l'enfer. Qui partout répond, dans le tableau, voilà. On est dans la confusion. Tout est double et tout est en miroir et tout est caché ou en apparence. Tout est caché, tout est potentiel, tout est en germe, tout prête donc à confusion. Et on retrouve ici cette opposition qui était déjà chez Jérôme Bosch entre les apparences trompeuses qui sont favorisées par les flammes et l'effort de clairvoyance, de discernement, d'interprétation discernante que ces tableaux nous proposent donc justement par ces procédés visuels. Au fond à droite, et on pourra juste finir là-dessus très rapidement, on voit des flammes, un incendie qui touche a priori un bateau. En fait, ce qui est intéressant dans ce tableau de Bruegel, c'est que finalement les flammes sont vraiment presque rejetées sur le côté, mais que tout le tableau est enflammé, qu'on n'a pas besoin de feu pour que le tableau soit enflammé. Le feu est présent partout à l'horizon. Vraiment là, on a l'impression à la fois d'un tableau qui brûlerait les doigts si on le touche, et en même temps, ce feu nous tient à distance, hein, comme le dit Artaud, nous bloque de manière énigmatique à un mètre de distance. C'est une autre façon d'exprimer cette capacité du peintre à créer l'illusion d'un feu véritable. J'ai besoin d'une vingtaine de types costauds le plus vite possible. Allez chercher tous les pompiers d'accord. qui sont là-bas et vous, les policiers. Venez ici, les gars. Ici, à côté du camion. Restez ici. Brouillez-vous. Mais dis donc, ils sont lourds, ces Jérôme Bosch. Mais c'est normal. C'est le poids de tous les péchés qu'il a peints. Au mépris de la volonté de Dieu. No more promos, no more photos, no more logos, no more chocos. We on Bezos, we get payrolls, trips to Legos, connect like Legos. Make this final, make this my eyes closed. Burn false idols, Jesus disciples. I can feel your pain now, I done bled my vein now. New level to game now, simulation change. No more problems, no more argue, no more asking. Who really are you? I know the real you. You know we feel you. You know he hears you. You know we with you. Straight from Beirut, Chicago, Beirut. You pray, we pray too. You pray, we pray too. Never too late for him. Save you. This show, movie, 'cause no one could play you. Devil. On se quitte après l'enfer sur un dieu contemporain, Kanye West, Heaven and Hell. C'est son dernier album, Donda. Merci Michel Vimans d'avoir été là pour cette dernière émission sur le feu. De vous, on peut lire un livre sur les images doubles, une monographie sur le peintre flamand Éric Maître de Blesse, un ouvrage sur Bruegel dont on a parlé, coécrit avec Reinder Falkenburg, et le tout c'est aux éditions Azan. Merci beaucoup Michel Vimans. Merci. Vous écoutez France Culture, c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi s'adresse-t-on des vœux ? lors des fêtes de fin d'année en particulier, lors de l'arrivée d'une nouvelle année ou aussi par exemple d'un anniversaire, lors d'une boucle qui se boucle dans le temps, les êtres humains, en tout cas dans nos sociétés, s'adressent ce qu'on appelle des vœux. Ils se font des souhaits mutuels, ils se souhaitent en général, il faut l'espérer, des bonnes choses, ils se souhaitent bonne année, bonne santé, on y reviendra sur la santé. Mais pourquoi donc le fait-on et pourquoi aussi faut-il le faire? Est-ce que justement ça n'est pas d'abord une sorte de rituel social, une sorte d'obligation formelle et extérieure qui peut passer de mode ou en tout cas changer de méthode et de manière comme dans au début du siècle ou pendant le XXe siècle, il fallait le faire avec des petits cartons, avec des selon les moyens de communication. Aujourd'hui, ce serait plutôt par des SMS ou d'autres techniques diverses et variées. Les sociologues, en particulier Marcel Mauss, avaient théorisé ce qu'il appelait l'expression obligatoire des sentiments. L'obligation qui, selon l'école de Durkheim, la sociologie française, et donc Marcel Mauss et beaucoup d'autres, définissait le fait social. Le social se définit par ce qui est obligatoire pour tous les individus, va jusqu'au sentiment. Dans un deuil, il faut pleurer. Dans une naissance, il faut se réjouir. Dans certaines circonstances, il faut s'adresser des vœux. Le contenu du vœu importe moins que sa forme et surtout son échange absolument obligatoire. Si vous n'envoyez pas vos vœux à quelqu'un, vous êtes alors disqualifié de la société. Et le vœu n'est pas du tout une sorte de prière, comme son nom semble l'indiquer, ou plutôt il reprend de la prière le caractère d'obligation, mais d'obligation sociale, d'obligation gardant dans la laïcité les sortes de fondements d'une société aussi fondée sur les obligations religieuses. Mais alors justement, si c'est une obligation sociale, ou bien si cela reprend aussi les formes de la superstition religieuse, les formes de la croyance dans une divinité protectrice des uns et des autres, à laquelle on s'adresse par une sorte de religiosité privée, de religiosité personnelle qui n'aurait rien d'universel, où on dit que Dieu te protège, que la protection s'adresse à toi ou à moi d'une façon privée, au fond close et peut-être contre les autres. Alors si les formes de l'obligation sociale et de la superstition privée définissent tout ce qu'il y a dans les vœux, ne faut-il pas aussi s'en débarrasser? Ne faut-il pas, pour un esprit libre, pour un esprit critique, pour un esprit fort, ne faut-il pas s'affranchir de cette obligation de s'adresser des vœux dans cette période ou dans toute autre? Mais justement, peut-être y a-t-il autre chose encore au-delà de l'obligation sociale et de cette superstition inévitable, de cette protection que nous appelons sur les êtres chers. Il y a peut-être, au fond, d'abord quelque chose de relationnel dans les vœux. L'idée que nous faisons des vœux pour quelqu'un et en attendant qu'il en fasse pour nous, c'est déjà une protection, cette relation inter-individuelle. C'est déjà une force dans cette pensée. Ce n'est pas un vœu seulement pieux, c'est déjà une relation réelle, une relation qui nous protège. Et s'adresser des vœux à certains moments de l'année, c'est peut-être tout simplement vivre ensemble. Merci beaucoup Frédéric, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture, à la page du Pourquoi du Comment. Et un grand merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Manon Delasselle, Carla Michel, Anaïs Isbert, Antoine Ravon, Adèle Vendrette, Hélène Losseur à la lecture des textes cette semaine, Laurence Malonda à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Jean-Guilain Meige. Je vous donne rendez-vous demain pour notre émission du vendredi sur les objets inattendus de la philosophie. Et demain, nous parlerons de météo en compagnie d'Anouchka Bazac. À demain!